Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Et je lance des flèches d'amour à tous les auditeurs de 70%. Bonsoir, en manchette ce soir, flatulence, tigre et course folle. Et pour danser dans ta tête ce soir, Coloralie Laperrière, Mathieu Portelance, Damien Blas-Bouchard et Marc-Olivier Gladu, Ludovic Bourdage, Étienne Lapointe, ainsi qu'une performance de Céréal Killer avec nos invités sexe illégal en direct du Brouhaha à Montréal. Vous êtes à 70%. C'est en train de se passer. Bonsoir tout le monde, bienvenue à 70%. Yes. Encore une fois, Tommy Godette au micro. Avant de se lancer dans le contenu, j'aimerais mentionner, rappeler à tout le monde, et je veux qu'on commence le show là-dessus, samedi prochain, le 11, au Musée de l'Absurde, à compter de 10h le matin, on écoute les 14 petits pieds le dinosaure en ligne. Hey boy! Ça va être difficile, mais ceux qui vont être là et qui vont le faire... Je pense qu'on va vraiment avoir réalisé quelque chose qui a jamais existé ailleurs sur Terre. C'est une 14-ologie. Une 14-ologie, oui. En fait, ils sont égales avec les Airbuds qui étaient à 14, si on compte les spin-offs. Ah, y a-tu 14 Airbuds? Il y a 12 Airbuds et 2 Airbuds Snow. Ouais. Snow Buddies. Mais ça compte-tu, ça? Ouais. Ça compte-tu vraiment? C'est comme un rip-off, ça. Là. Ouais, je pense pas qu'on a le temps de répondre à cette question-là ce soir, quand même. C'est une question à plusieurs volets. Effectivement. Sinon, ben, j'ai fait le Superflux hier. Je vous invite à aller checker ça. Le ça, film, c'est très personnel. L'émission de. Oui, je parle de moi. D'habitude, en début de show, je rappelle un peu d'affaires, puis on va vous applaudir. Ça va être débile. J'ai hâte. Et puis sinon, ben, je fais un spectacle le samedi le 18 à Ville-Marie. Et je voulais commencer le show. Sur cette note, j'ai réalisé, on en parlait, moi je pense que le concept d'appropriation culturelle, je suis un insensible, mais je trouve que c'est cave en esti. Et j'ai réalisé que le basketball, ça a été inventé par un blanc canadien. OK? Mais aux États-Unis. Oui, mais ce nonobstant. Il était blanc et il était canadien. Là, tu sais, tu fais le tour de la NBA, on se fait approprier solidement culturellement, je pense. Et c'est sur là-dessus que j'en parlerai plus jamais, tu sais, qu'avant tabarnak. Très bonne idée. Non, mais sinon, on peut en parler. Hein. On est rendu à ce moment chéri du show. Mesdames et messieurs, c'est pas le sexe, c'est Tony Légal. Sexe illégal, on peut les applaudir. Ben oui. Merci tout le monde. Bienvenue dans votre rêve. Yes. Merci d'avoir construit cet espace pour qu'on vienne ce soir. Je Exactement. Pense que c'est tout nouveau. Ah oui, hein? C'est votre première fois un lundi douteux. Je pense que oui. Et, en tout cas, de mémoire. Et moi, je suis très heureux d'être ici. Puis là, on boit de la bière, donc tout est beau. Mais on dirait dans un décor dans les souvenirs des artisans des métiers d'art. C'est vrai, là, tu vois. C'est vrai, il y a un petit quelque chose. Hein. On a essayé d'aller vintage et actuel. Check, il y a des VHS. Vintage et actuel en même temps. C'est audacieux, ça, quand même. Techniquement, c'est pas du tout la même c'est chose. C'est deux affaires. Ouais, c'est très postmoderne. C'est même un oxymore, je dirais. Ben oui, ça va comme pas ensemble. Descendre en bas. Non, monter en bas. Descendre en bas, c'est. Descendre en bas. C'est un pléonasme. Sinon, t'as pas de souliers. On va parler des vraies affaires. Est-ce qu'il y avait comme un Tony légal qui cherchait un chanteur et qui a croisé Paul Sex? Ou vous vous êtes, je sais pas, vous avez grandi à maternelle comme Beavis and Butthead? Expliquez-moi votre rencontre. Écoute, faut savoir qu'on s'est croisés, nous autres, à Woodstock, sans les 16. Sans les 16. Woodstock 76. Woodstock 76. On s'est rencontrés là tous les deux. Moi, j'étais un slammeur. Oui, je faisais du spoken word. C'était très populaire en 76, le spoken word. J'étais un genre de poète de Villeray. Et je suis parti, moi. Moi, j'ai été à la marche à Woodstock. Je suis allé à pied. Je suis parti en 74, pied-pouce. Et j'avais l'an 76. Paul, toi, de ton côté, tu peux raconter peut-être individuellement toute ton histoire. Moi, j'étais parti 3 semaines plus tôt parce que j'étais plus slow. Faut savoir que moi, j'ai appris à marcher seulement à l'âge de 8-9 ans. C'est vrai. T'es un gars de bras, toi. Oui, avant, je dansais uniquement. C'était mon seul moyen de transport. Puis moi, j'ai toujours rêvé. J'ai toujours été beaucoup sonore dans la vie. Très moi, Woodstock, ça m'a attiré juste avec les vibrations. Et moi, je m'étais rendu là bien avant. Et à un certain point, j'étais pris dans une de ces toilettes publiques. Et il y a quelqu'un qui voulait sauver. Tu étais obligé d'apprendre à marcher. Non. C'est arrivé pendant le voyage. C'était tellement long. À un certain point, j'ai développé des techniques. Tony Legal m'a sorti de cette toilette. Moi, j'ai ouvert la porte. Je pensais qu'il n'y avait pas personne. Elle n'était même pas barrée. C'est juste qu'il poussait au lieu de tirer. Ah, c'est donc une belle histoire, quand même. Et là, ben, un en face de l'autre, bon, on se rencontre les deux, on vient de Montréal, on décide de se tenir ensemble pour le week-end. Pour l'argent aussi. Pour l'argent. Et puis on a réalisé, c'est ça, Paul avait tellement un talent avec ses mains, ses jambes étaient molles, difficiles de... Il fallait que je le tienne, souvent. Mais ses bras étaient complètement légendaires, déjà. Il y avait les mains... Il y a quelque chose, il y a des gens comme ça, que c'est comme un sens que les autres n'ont pas. Vraiment les doigts. Il y a des doigts, là, comme si chaque doigt avait une tête. Et au lieu d'avoir un ongle, par exemple. Et, non, l'ongle, c'est comme une grosse dent. Exactement, c'est une grosse dent, mettons, pour représenter la tête. C'est bon, c'est excellent. Et une dent très, très propre, d'ailleurs, si on regarde. Et puis, est-ce que tu as des guitaristes préférés qui t'ont comme amené dans ce que tu es en train de faire? Écoute, toujours été un fan de Jimmy Page, quand même un ami personnel. Ça fait un bout qu'on n'y a pas parlé. Depuis qu'il a arrêté de se teindre les cheveux, là, on a un petit peu honte. Il est très weird, ouais. Il est très, très spécial. Il a beaucoup trop mis d'attention sur ses cheveux dans la dernière décennie, Jimmy. Puis, c'est pas ça qui intéresse les gens. Les gens sont en crise de tes cheveux. Donc, pense à d'autres choses. C'est vrai. Peut-être qu'un Marie-Mé pourrait grandir de ce conseil-là, à un moment donné. À c'est vrai aussi. Laisse-la. Marie-Mé a fait son rock. Elle fait son rock. Tant qu'elle fait pas le nôtre, moi, je faisais... Elle l'a dit, hein. C'est son rock. Donc, j'imagine qu'elle parle de d'autres choses. Ça s'écrit peut-être pas pareil, là, tu sais. R-O-Q-U-E. Vraiment, c'est son rock. Marie-Mé fait son rock. Son rock. Ça. Vous avez fait la paix avec ça. Exactement. Oui, pas dans nos affaires. Est-ce qu'on va avoir Sexe Illégal featuring Marie-Mé? Peut-être un jour, si jamais on a envie de devenir pédophile, j'imagine. toucher les enfants avec notre musique, je veux dire. Pédophile musicaux. Pédophile musical, exactement. Pédophile du son, si on peut dire. Sinon, c'est sûr et certain que je vais l'entendre parler si je vous la demande pas, mais est-ce que vous jouez à Magic the Gathering? Non, on a full d'argent, nous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces jeux-là, c'est pas qu'on respecte pas ça, mais quand t'es riche, t'es dans la fantaisie qui s'appelle le monde réel. C'est assez incroyable de pouvoir se promener partout. C'est un grand pouvoir de pouvoir juste arrêter les autos, les acheter, partir avec, laisser les gens sans leur pantalon même. Il avec faut savoir, il y a quelque chose que vous comprenez pas, c'est que nous, on a accès à de la drogue d'excellente qualité. Excellente qualité. Fait que je te dirais, à un certain moment, du moment que tu as le numéro de téléphone à Steve, les jeux de société prennent le bord. Assez solide. Assez solide. Bon, c'est réglé. Twister, c'est bien normal. Oui. Définitivement. Mais toi, avec les jambes molles, ça doit pas être facile. Oh non, c'est plus facile. Ah, c'est plus facile parce que tu peux twister des bords que les autres. C'est comme si le petit bonhomme Armstrong, je sais pas quoi, là, quand t'es petit. Ça va. C'est essayé qu'un référent, puis ça a pas. Moi, je l'ai dans ma tête. L'important, c'est que je sois confortable. Lui, il est confortable avec ça. Sinon, je vous ai demandé un indicatif tantôt. Ce serait peut-être le temps de le faire avant de se lancer dans l'émission. Parce que vous savez, il y a toutes sortes de chroniqueurs qui vont passer parler. OK, l'émission n'est pas commencée. On est comme... Je prenais toute attention de conjuguer mes verbes, puis tout, c'est même pas commencé. Quand tu manges ton sandwich, puis que t'es au bout, qu'il y a plus de pain que on de viande. On a juste pogné une coupe de chip, là, avant de manquer le maillot. C'est ça. T'as pas entamé ton poulet, là. Fait que faites-nous un indicatif. Mon nom s'appelle Tony Legal. Et le mien serait probablement Paul Six. Vous êtes à l'écoute, comme nous, de 70%. Et on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Moi non plus. Merci de toute beauté. Hey, c'était live, ça. Là-dessus, je pense qu'on est prêt pour commencer. Vous avez un micro, n'hésitez pas à commenter. J'ai entendu dire que peut-être qu'il y avait une performance après le spectacle. Oui, ça va je m'enduis de beurre à l'ail. Ça risque d'être popé. Hey, Valérie, peux-tu nous ramener deux bières, s'il te plaît? Fois deux. Là-dessus, Alex, on est prêt pour Bruno. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Une compagnie de réparation d'ordinateurs Apple à Houston, au Texas, se fait reprocher la façon qu'elle traite les critiques négatives de son commerce. iGenius ajoute à chaque contrat de service une clause stipulant que toute critique négative de leur commerce ou de leurs employés est passible d'une peine de 2 500 $ en frais d'assurance. Et a commencé à envoyer des poursuites à d'anciens clients qui ont fait valoir leur opinion sur Facebook et sur Yelp, entre autres. On s'attend à ce que la compagnie fasse faillite dans quelques secondes. Il va falloir qu'on arrête de parler de Pierre Harel. Hey, l'importance de toujours se dissocier de ses propos. Toujours. C'est un bel exemple légal, on adore ça, effectivement. Let's go, Bruno, une autre. À Ormond Beach, en Floride, un homme de 69 ans fait face à des accusations de cruauté envers les animaux après avoir tiré un chat avec un gun à plomb. Le chat qui appartient à un voisin de 60 ans a dû être euthanasié suite à ses blessures. Lorsqu'il est interrogé sur les raisons de son acte, l'homme aurait répondu qu'il se serait fâché après que le chat l'ait regardé comme si la place lui appartenait. Avant de faire chat sale, de quoi. Tu sais, il a donné le stink eye, là. Il devait être dans sa litière. Le cocky cat. Je sais pas s'il y a comme une famille de chats qui est en train de s'entraîner pour aller se venger, là. Sacrément, c'est donc bien sans dessin. Il n'y a plus aucun chat qui va me parler de même. Ouais, mais... Renou, moi. Imagine quand t'es rendu bas dans le pecking order quand tu te pognes avec les chats. Ah oui, c'est sûr. T'sais, après tout, c'est toi qui es allé le chercher, le chat aussi, c'est sûr. Au départ. C'est sûr. L'a reconnu parce qu'il est en train de pisser dessus. Ça, on n'a pas de preuve de ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Dissocions-nous déjà de nos propos. Là, nos propres propos. Nos propres propos. Voilà. Un chauffeur de taxi de la ville de Bournemouth, en Angleterre, a été arrêté pour excès de vitesse alors qu'il transportait des passagers. Questionné par les policiers, le chauffeur de taxi aurait affirmé qu'il avait dépassé la limite de vitesse afin de finir sa course plus rapidement parce que ses clients pétaient à l'intérieur de son taxi en pestant le véhicule. Tabarnak. J'espère qu'il n'était pas dans une Fiat, en tout cas, ou quelque chose de même. Dans une Fiat, pas respectueuse. Non, il y a des affaires qui se discutent pas. Ben, tu sais, il fait fret en Angleterre aussi. Hein. Puis il voulait pas avoir 3 étoiles sur Yelp. Non, c'est vrai. Tu sais, tout se lit. Juste poursuivre du monde. Let's go, t'en as-tu bon, on en fait une dernière. Dans un zoo de la province de Zhejiang, en Chine, un homme a sauté par-dessus la clôture de l'enclos des tigres afin d'éviter de payer pour un billet quand le prévisible est arrivé. Il a dû payer pour le billet, finalement, c'est ça? Ils l'ont pogné, c'est sûr. Eux autres, ils sont bien drettes, ces affaires. Alors que sa femme et ses enfants avaient acheté un billet, lui aurait décidé de se sauver les coups en se faufilant dans un trou de la clôture avant de grimper dans l'enclos des tigres. L'homme se serait fait rapidement attaquer par plusieurs tigres avant de succomber de ses blessures. L'un des tigres aurait été abattu par les employés du zoo, tandis que les autres auraient skippé leur souper ce soir-là. Qui a eu de la misère à digérer les boutons là, de ma chemise. Ben oui, mais papa, tu sais, son kid, il était là, il l'entendait hurler. Mais ça fait une belle leçon, hein, ça, à l'entrée du zoo. Hein, ceux qui veulent pas payer, il y a l'enclos des tigres. C'est ça. Tu peux encadrer son chandail déchiré. Oui, avec un petit bout de visage. Un morceau de visage, oui, tu penses que ça se fait, ça? Ben, ça se peut. Ça se peut. Tout se peut. Tout se peut. Tout se peut. Merci, Bruno. On va te revoir plus tard dans l'émission. Oui. Vous autres, ça va bien? Là? On est en train. Oui, on est super. C'est parfait. Je pense qu'on est prêt pour le prochain, Alex. Ça va être débile, c'est sûr. Salut Étienne. Salut Tommy. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça va pas bien. C'est la pointe, mesdames et messieurs. Je suis content que vous ne me reconnaissiez pas, les gars. Parce que on s'est déjà vu au stade de Wembley. Oui. Quand Led Zeppelin avait fait votre première partie. Là. Laquelle des deux fois? La troisième. La troisième. La troisième. Ouais. Je m'étais rendu backstage. Mm. Y a quelqu'un qui avait vomi là, dans le bol de M&M. Ah, c'était peut-être. Je pensais que c'était un casse de scooter. Non, non, non. C'était John Bonham qui avait volé. Qui avait volé. Hey, Tommy, j'ai une grosse déclaration à te faire. OK. Je t'aime, Tommy. Mais pas dans le sens que je veux ta graine. Je sais que t'as compris parce que t'es pas le plus fif de mes amis. C'est émouvant. Est-ce que tu conscient, hein? Non, mais pas de farce. À ce soir, je fais pas de featuring. Puis les douchebags sont pas là, fait que je peux pas chanter. Tout va mal en esti. Tout va mal en esti. Au moins, t'as une scène pour te plaindre. Oui, oui, non. Je me plains jamais, moi. J'ai écrit quelque chose. C'est quelqu'un qui m'a commandé qui m'a commandé quelque chose. Fait que c'est ma commande spéciale que je paye mes dettes à soir. Let's go. Fait que ça s'appelle Québec Cato Caca Vomi. Yes. Caca Vomi. Non, c'est pas Marianne. C'est l'autre jour j'ai vu Monsieur le curé tout de cuir, il était entravé. Il était incapable de se mouvoir. Zoé l'avait en son pouvoir. Elle l'avait même pas encore touché quand tout à coup il s'est mis à crier. Un gars de Miché, son anus avait déchiré et un autre, son cri a étouffé. Les deux femmes bien strappées, un high five, elles se sont échangées. Ils appellent ça une tour Eiffel. Tu sais, quand tu. Je vois ce que c'est, oui. Ouais, OK. C'est. Ouais, puis là, je voulais faire comme un autre couplet, mais j'avais plus d'idées, fait que. Ça va comme suit. Ta blonde est belle quand elle jouit, surtout quand sur ma queue elle fait pipi. Alors, mon ami, ne sois pas en reste et viens t'amuser entre mes fesses. C'est dit. Merci, Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. Merci tout le monde. Tu viens de nous donner de quoi réfléchir. Ouais. Je comprends toutes les métaphores. Hein. Yes. Vous étiez en train de faire de la gestuelle et tout. J'ai essayé d'expliquer la tour Eiffel. J'ai essayé d'expliquer la tour Eiffel parce que lui, il l'a déjà vu. La vraie. Ouais. Fait que je voulais juste l'image de l'autre, là, l'imager. Mais c'était très bon. Merci beaucoup. On aurait dit Daniel Boucher en dépression. C'est vrai. Hein? Il y avait un petit quelque chose. Il y avait quelque chose de. Fait que Daniel Boucher. Daniel Boucher. Mais Daniel Boucher à la 2, mettons. C'est exposé en lui-même. Super, Daniel. Merci. Ouais. Allez, let's go. On passe au prochain. Salut Tommy! Hey, oh, salut Montage! C'est votre Jean-Philippe Wautier. Mais oui! Tout le monde a un à cette heure! Mais ouais. C'est gentil d'être venu, Tommy. Merci. Ben, ça me fait bien plaisir, mon gars. Bonsoir tout le monde! Est-ce que vous êtes en forme? Bon. En forme de quoi? En forme de quoi? Tommy, tu m'as offert une commande pour ma chronique d'aujourd'hui. Tu m'as demandé de parler de spiritualité. Ouh. Oui, oui. Est-ce qu'on a des gens spirituels dans la salle? Par applaudissement. Quelques timides. Collier de noisetier. Tommy m'a demandé de vous pénétrer de ma lumière, de vous éclairer sur la spiritualité. En passant, mon livre « Les Ludovismes » sortira en librairie sous peu. On y trouve des pensées, des poèmes et des trucs maison pour pratiquer la torture. Alors, la spiritualité, selon le Larousse, va comme suit. Ce qui est indépendant de la matière, croyance et pratique, qui concerne la vie de l'âme. C'est une vraie définition. Alors, la spiritualité, c'est souvent associé à la religion. On s'entend depuis des milliers d'années, les humains se tournent vers la spiritualité pour répondre aux questions sans réponse. D'autres se tournent vers Yahoo Answers. Alors, comme 70% est une mission de service, au service du bien, évidemment, je tenterai ce soir de penser les questionnements de ces pauvres bougres en quête de vérité. Alors, première question qui revient assez souvent sur Yahoo Answer. Qu'est-ce que les lundis douteux? Alors, c'est le meilleur divertissement du lundi soir à Montréal, point. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement. C'est le meilleur rapport qualité-prix en ville. La preuve, Pierre-Yves McSween a eu une érection quand il a appris que c'était gratuit. Passons maintenant aux vraies questions que j'ai retrouvées sur Yahoo Answers, une recherche exhaustive de plusieurs semaines. Alors, la question qui vaut le détour. Si une poule, et c'est une vraie question, si une poule avale un condom qui contient du sperme infecté de VIH-Sida et que quelqu'un mange sa viande, on souhaite bon appétit aux gens qui mangent la poutine, est-ce que cette personne peut contracter la maladie? Parce que la maladie aurait été incubée partout dans la viande de la poule. Voilà. Ouais, ouais. Moi, je vais dire non. Moi, je dis crissement pas. Moi, je pense que ça dépend de la cuisson. Ouais. Si tu manges un tartare de poulet, mais ça me semble assez niché. Le fameux tartare de poulet. Assez là. Niché et hypothétique. Mais est-ce que le poulet porte une capote, par exemple? Ou un stérilet. Il est cuit dans une capote. Ça l'explique pas. Peut-être, hein? Exactement, à la capote. C'est une recette de Martin Picard, ça. Poulet en capote. Poulet en capote dans sa sauce. Exactement, un chef au CLSC. Alors, une mère... une commandite de la clinique L'Actuelle. Une mère éplorée demande « Comment puis-je tester si mon fils est gay? Y a-t-il un médicament ou un docteur? » Alors, mon avis... c'est que tu l'invites au cinéma pour voir un film romantique et s'il arrive en retard parce qu'il suce son chum, c'est parce qu'il est gay. C'est vrai, ça. Ça, c'est pas faux, ça. Comment puis-je perdre 50 livres en un mois? Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. L'exercice, une saine alimentation ou une chimiothérapie. L'amputation. Voilà, oui, ben c'était ma réponse. La poudre. La poudre, oui. La poudre. Oui. Plusieurs l'ont fait. Oui. L'amputation, une jambe droite en moins, là, c'est au moins 50 livres. Mm-hmm. Changer de planète aussi, c'est pas partout qu'on pèse pareil. Oui, c'est vrai. Sur la Lune, on... C'est exact. Aller sous l'eau. Aller sous l'eau. Oui. Ma femme a changé son statut Facebook de mariée à veuve. Devrais-je m'inquiéter? Il y a des tests pour ça. Ben, j'ai tenté de joindre l'homme en question. Malheureusement, j'attends toujours sa réponse et je n'ai toujours pas l'option « lu » sur Messenger. Alors, s'il est à l'écoute, écrivez-nous. Ben oui. On le salue. On le salue. Je suis adopté. Devrais-je le dire à mes parents? Je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce que les nains ont une vision nocturne? C'est une vraie question. C'est dommage. C'est comme dans Donjon, hein? Ils voient dans le noir. En fait, j'ai fait plusieurs recherches. J'ai consulté grimoire et vieux livres à la grande bibliothèque. Alors, les nains maîtrisent la télépathie, la lecture de pensée et la lutte. Du moins, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Comment t'appelles ça, Tommy? Un nain qui participe à Célibataire et nu? Stéphane. Malheureusement, il n'était pas disponible, alors on espère l'avoir pour la deuxième saison. Alors, si vous êtes un nain, écrivez-nous. J'aimerais ça faire un spécial Petite Personne à Célibataire et nu saison 2. D'ailleurs, je profite de ma tribune pour demander officiellement à Tommy de participer à Célibataire et nu saison 2. Et l'audition, c'est ce soir! Et maintenant, c'est là! Tommy! Je vais mettre ça à la bonne idée, là! Ok, je le fais. Ok. Ça va être vraiment une jouette pour tout. C'est certain que c'est enregistré. Ouais, c'est vrai. T'es chanceux parce que tu connais le gars du casting. C'est vrai. C'est moi. C'est le gars qui m'a invité. Là. Ouais. Alors. Si je vais être à ma place. Ok, je pense plus à ça. Quelqu'un demande. Je viens de manger 52 pizzas pochettes et j'ai. Yeah! Ma et question! J'ai rincé ça avec 2 litres de coke. Vais-je mourir? J'ai été correct, finalement. Ça non. passe. C'est vraiment quelques heures. T'as chaud, mais ensuite... Je pense que cette personne est à un Joe Louis près de perdre un pied à cause du diabète. C'est vrai, la goutte, les jeunes. Watch out pour la goutte. Alors, quelqu'un demande, « Aidez-moi, mon ombre me suit partout. Que faire? » Ça, c'est une vraie question de Yahoo. C'est une vraie question. Couche-toi à terre. Ouais. Très fort! Très fort! Moi, c'est... Saute pis reste là. Moi, ça serait soit la capturer, ouais, c'est pas devenir fou. Aveugle. C'est vrai que tu peux dessiner une cage sur le sol et l'emmener dedans. C'est ça. Regarde exactement dans la, dans la direction inverse de ton ombre pendant plusieurs minutes. T'as lu le même grimoire que moi. Ouais. Alors, si tu meurs... Une autre question. Si tu meurs au Canada, meurs-tu dans la vraie vie? C'est non. Hein? Je sais pas, mais... Ben, t'habitais au Canada, fait que t'étais déjà mort un peu. Donc, finalement, t'es peut-être mort dans ta vie mort. C'est ça. Mais en Ontario, on s'entend que c'est là que les rêves vont mourir. Une Américaine a demandé, je tiens à préciser Américaine, si je me fais avorter, est-ce que mon bébé va devenir un ange? À mon avis, non. Parce que comme certains de tes compatriotes, tu accordes plus d'attention et de respect envers un ovule fertilisé de quelques semaines plutôt qu'un réfugié né dans un pays musulman qui veut émigrer dans votre pays. Alors, tu ne devrais pas te reproduire. C'était mon segment éditorial. Merci beaucoup. Est-ce que le Dakota du Nord est réel? La réponse est non. Ce sont des histoires que les adultes racontent à leurs enfants pour leur faire peur, comme le Bonhomme 7 heures et Rambo Gauthier. De pure fabulation. Quelle quantité de LSD est sécuritaire à donner à un bébé de 8 mois pour qu'il arrête de pleurer? On a un pro. OK, pas une feuille. Ça, pas c'est sûr. Pas une feuille. Le quart d'un buvard. Un quart de goutte. Moi, je dirais l'équivalent de son poids en millilitres me paraît suffisant. Oh, tabarnak! C'est okay. Sûr, c'est pas du vrai, ça. Et il y en a une qui dit « Comment retirer une fourchette de mon pénis? Vite! Ma mère arrive à la maison dans 20 minutes! » Alors, ma suggestion, attache une ficelle à une ton pénis, à la fourchette, et cette ficelle à une poignée de porte, et prépare-toi à devenir une femme. Et je vous laisse sur la question philosophique suivante, qui m'apparaît sans réponse. « Si je me mange entièrement, vais-je devenir deux fois plus gros? » Ou disparaître. Ni un ni l'autre. Cette question est en suspens. Nous aurons la réponse la semaine prochaine. Okay. Merci. Bon. Ludovic Bourbage, mesdames, messieurs. Ouais. Cette question me fucké l'âme. Ah oui, hein? C'est une chronique spiritualité, ça. Hein? Oui, c'est... Que... Écoute, on est passé par Yahoo Answers. Ben, c'est ça, la contrainte a été respectée. Ouais. À cause, tu aurais donné une punition, là? On va peut-être écrire la chanson Poop Yourself à cause de cette question-là. Ben, c'est vrai. Poop Yourself. Poop yourself. Idéalement, c'est fini, là, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est la suite logique de se manger. On est prêt pour le prochain! C'est sûr! Chier! Allez, on avait dit qu'on ferait un découpage la dernière fois, mais Nick n'a pas pris le temps de le faire, fait qu'il faut que je fasse la toune une deuxième fois! Ah ah! On a comme la c'est la pire intro. Coralie Laperrière, mesdames, messieurs. Salut, toi. C'est la meilleure intro, je m'excuse. Ça a eu longtemps dans mon téléphone, moi aussi. Elle était. C'était ça dans le boss. Quand t'étais pas là, Bruno, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Fait que quand t'étais pas là, tu sais, ça me faisait me rappeler toi. Aïe, ah, sortez donc ensemble à la place de faire come ça. Come on, next! Faire ça. Ok, est-ce aïe! La Saint-Val. Ok, d'abord, Coralie. On décalisse? Hein? On s'en va? Ouais, c'est ça, comment ça va marcher? Ouais, c'est ça. Les gens au podcast ont tout compris. Ouais. Fait que la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. C'est vrai. C'est vrai. Mm. Puis je sais que ça va pas bien, l'économie. Donald Trump, Trudeau, Boucherville, je sais pas. Mais écoutez, pour vous, j'ai préparé les 14 dates à moins de 14$ pour le 14 février. C'est bon, c'est donc bien cute. Êtes-vous prêts à entendre ça? Come on! Hey, parce que moi, je pense qu'on n'est pas obligé de se ruminer pour aimer. Le temps, c'est de l'argent, donc passer du temps de qualité avec quelqu'un, c'est comme y peigner un diamant. Je vous laisse là-dessus. Bon! Ça se revend moins bien au pawn shop. Ouais, c'est ça. J'ai pas enné mon dimanche après-midi avec toi. Je l'ai eu, ce souvenir-là. Mais pour une fille, étonnamment, ça fonctionne. Changer du temps pour l'argent, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, on parlera pas de prostitution, on voulait être cute. Ça sent bien coquin. Ça. Je dérive. Première suggestion, j'ai payé un blowjob. Hey, mais la première suggestion, on est 14 dates à moins de 14$ pour le 14 février. Le numéro 1, c'est peindre un seul sous-verre au céramique café. Parce que pas besoin d'un gros vase pis tout, pis un café latte chaque à 35$, non merci. Pis faire une seule petite pièce à deux, ça encourage la proximité. Mmh. Ouais, pis anyway, le café, ça donne mauvaise haleine. Bon, numéro 2. Donc, numéro 2, ce serait d'être à 14 de, moins de 14$, ce serait de lancer de la monnaie dans la fontaine de la place Versailles. Mais il faut s'assurer d'en garder suffisamment pour revenir après. En métro, c'est ça qu'il faut s'assurer. Numéro 3, ce serait acheter un repas à un itinérant, parce que la générosité est aphrodisiaque. Fait que c'est ça ta date, comme? Genre, ouais, tu payes un repas. Fait que t'as une date avec un itinérant. Non, non! C'est sûr que tu peux le ramener chez vous. Lui, il n'y a pas d'endroit. Donc, c'est sûr que c'est gagnant de non, faire ça. Hey, tu peux pas être deux dans une boîte à frigidaire. Hein? Non, mais la date, c'est d'y aller ensemble puis voir la petite lueur dans ses yeux quand tu lui donnes. OK, c'est sûr. Mais tu le laisses là après, comme tu repars. Oui, toi, tu l'as sur le bon. Quand tu es en train de l'émouvoir, tu lui mets un petit miroir pour que lui ici puisse le voir. Oui, ouais, ouais, sinon, moment-là il mange, tu prélimines, genre. Là, il y a... Exactement. Toi, tes mains sont libres, c'est lui qui... Manger pour les pauvres, c'est leur sexe. À eux. Puis leurs émotions, c'est leur argent. Tu vois, ils ont la même chose que nous autres. Exactement. On va accélérer parce qu'il nous en reste 12. Oui! 14 dates à moins de 14$. Il y a numéro 4. Il y a le crisser le feu au céramique café. Ouh, yes! qui veut faire celle-là avec moi? Ouais, ça allume la flamme, comme on dit. Ça, c'est quoi? C'est 13$ de gaz puis un paquet d'allumettes, c'est exactement! Ça? Ouais. Écoute, t'as dit mon pote avant moi. Numéro 5, ça serait de lancer de la monnaie, mais ça, c'est sûr du monde. Mais à ne pas confondre avec la suggestion numéro 3 d'acheter un repas à un itinérant, puisque le but, c'est de lancer de la monnaie sur des gens qui puissent le chialer sur Facebook, tu sais, ouais, chigner, mais il y a quelqu'un qui m'a... Parce que à lancer de la monnaie sur des pauvres isolés, ça gâche le fun. Et il paraît que depuis 2011, les gens ne se penchent plus en moyenne pour 10 sous. Fait qu'il faut que tu lances des 25 cents pour créer le dilemme. Est-ce que je ramasse le change qu'ils viennent de me lancer? Non, mais justement, lance des 5 sous qui est le plus gros petit qui vont pas ramasser. C'est sûr qu'ils se penchent. Donc, ils ont mal, ils se penchent parce qu'ils vont se dire, c'est-tu un 25 cents? Mais tu peux ramasser puis en pitcher d'autres. Tu mélanges des 5 cents puis des 25 cents, moi, je pense. Ouais. Oh, hey, okay. J'aime ça, ce brainstorm-là. Ouais. Écoutez, c'est nickel. Tu peux mettre 15 piastres d'un bas puis assommer du monde aussi, tu sais. 15 piastres de change. Un rouleau de 2 piastres d'en face. Ça, c'est 50 piastres. C'est 50 piastres, par exemple. Non, mais c'est ça, la magie de la Saint-Valentin. On tue. Numéro 6, pour les dates à moins de 14$, ce serait de prendre une marche sur le Mont-Royal avec un chocolat chaud. XBS. Le numéro 7, ce serait de trouver un chocolat chaud sur le plateau à moins de 20$. C'est ça, c'est quand même difficile. Numéro 8, ce serait de se faire un repas gastronomique au Dollarama. Mais écoutez, je vous propose un menu, même pas besoin de chercher. Entrée de cup of soup. Le repas principal, des sardines en canne sur un lit de riz Ockelben. De la toux sur le side. Pour dessert, de la gomme 2 pour 1 à 1,25. Et à boire, ce serait un 591 ml de Cristal Pepsi. Pour les fruits. Pour les fruits. Oui, c'est ça, exact. Puis avec la pièce qui reste, ben, tu peux t'acheter un débouche toilette. Pour pallier ça au reste. Ça peut servir. On sait jamais. On sait jamais. Surtout après, si la date va bien. Puis là, faites pas ça. Tu m'as rappelé Ed Harem aussi qui nous suggérait d'acheter une brosse de toilette pour se gratter le dos. Ah ouais? Très belle histoire. Ben écoute, c'est pratique. Achète-en pas un autre pour ça. On a toute une chérie. Alors, le numéro 9, avec une date à moins de 14$, ça serait de s'acheter une centaine de barrettes aux Ardennes. Ça passe le temps, tu sais, juste les choisir. Tu connais les goûts, on parle des passions. Hey. C'est fascinant, le monde des pauvres. J'adore tout écouter ça. Écoute, on a de l'imagination, c'est tout ça qu'on a. J'imagine que vous êtes comme des réfugiés. Oui, exact. Mais on n'a pas de petite couverte d'aluminium, nous autres. Vous avez non, c'est sûr. Non. Numéro 10, ce serait de trouver le taxi payant, jouer à taxi payant, gagner à taxi payant, se marier et avoir beaucoup d'enfants. Wow. C'est une bonne date. Quelques étapes. Numéro 11, ça serait acheter de la MDMA cheap à Emily Gamelin. Mais comme plus est cheap, plus tu sais, c'est un thrill. C'est de l'adrénaline, c'est ça que tu en veux chercher. Elle est morte, Emily Gamelin. Elle est morte, ça fait longtemps qu'elle est morte, Emily. Ouais. Ouais, une overdose de poudre. Ouais. Numéro 12, ça serait de attendre à l'hôpital. Hein? Ben oui, c'est gratuit, c'est public, ça coûte rien. T'as 14$ pour les machines. Ben oui, puis il y a des lits, déjà. Mais faut que tu dates quelqu'un de malade. Même pas. C'est triste non, un peu. Tu dis n'importe quoi à l'infirmier. L'infirmière, un des deux invente une maladie pour pouvoir faire la date. Ouais, mais au pire, t'es déjà là en prévention de ton souper gastronomique au Dolorama. Si jamais ça te remonte dans le gorge. Fibromyalgie, tu rentres. Madame l'infirmière, je pense que j'ai du ressentiment dans le sang. C'est sûr, ils vont te donner une étiquette si t'as soi, là. C'est clair, puis t'attends là. Là, t'expliques au médecin et après, tu sais, c'est vraiment comme... comme la rage dans une cage. Dans une cage, là. Juste dire... Tiens! Vous me rappellerez quand je ferai ma chronique. Bon. Ah non, ouais, t'es là. Ah, ben oui. Numéro 13, des dates à moins de 14$. Ah ben, numéro 13, j'en avais une bonne, mais depuis les attentats de Québec, je peux plus la dire. Too late now. Je veux l'entendre. Non, c'est ça. Essaye de changer les mots. Les mots qui se posent problème. Par des affaires comme ninja puis chameau. Ouais. Chandelle. Yoga. OK, moi, je vais pas me faire poursuivre, fait que je vais enchaîner. Bon, numéro 14. Il n'y a personne de connu ici. Il n'y a personne de poursuivre. Ah, Éric Duhem, il écoute tous nos shows. Il attend qu'on glisse. Ah ouais. Lui, il glisse pas mal, en plus. Fait que... Numéro 14. Tu peux aller au cinéma un mardi puis avoir assez de 14$ pour deux personnes. Par contre, tu vas avoir l'air cheap pour le popcorn. Ma solution, je te propose de te faire embaucher au Cinéplex. Il te reste du temps, là, il y a une semaine. Puis là, tu vas pouvoir avoir ton popcorn au cost. Mais le seul truc, c'est qu'après la date, ça se peut qu'il faut peut-être déboucher les toilettes. C'est un peu. Et d'ailleurs, sur cette anecdote, je vous dis que ma tante a déjà travaillé au Cinéplex. Puis à un moment donné, il fallait qu'elle débouche les toilettes parce qu'il y avait une fausse couche dedans. C'est ça, bonne Saint-Valentin! Merci, Coralie! Wow! Yeah. Wow. Yeah. On aurait aimé savoir suite à quel film, quand même. Oui, ouais, ça aurait été bon dans l'anecdote de savoir que c'est probablement Transformers 2. causé une fausse couche. Ah oui, la couche était pleine plus vite que prévu. Beaucoup plus que prévu. C'est... On passe au prochain! Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous écoutez 70% avec Lucas Mani, là. Quoi, je peux-tu dire le meilleur danseur au monde, hein? Juste écœuré. Cool! Hey! C'était fou l'abstique, si c'était le premier! Non, mais c'était fou l'abstrait. On voit que tu as passé longtemps. Ça me parle, moi. Ah, bon, ok, c'est parti. Bon, je pense qu'on peut commencer. Vous allez fixer un point dans l'espace. Dans l'espace, vous allez fixer un point. Et là, vous avez commencé à vous sentir plus lourd. Très, très lourd. En fait, vous êtes plus lourd qu'un soleil. Vous êtes lourd comme trois soleils. Alors, Michel, comment ça se passe? Je me sens pesant. Je pense qu'on peut commencer. Est-ce que vous avez fait le même rêve que la dernière fois, Michel? Le même rêve, oui. Celui avec Geneviève. Geneviève de d'habitude? Non, cette fois-ci, c'était pas la même Geneviève. C'est vrai? Mais c'est pas important! Je sais pas si ça peut nous aider, mais depuis notre dernière séance, j'ai trouvé mon animal spirituel. Restez tranquille, Michel. C'est quoi? Vous voulez pas le savoir? Ça vous intéresse pas? Michel, c'est pas ce que je vous ai demandé de faire. Est-ce que vous avez parlé à Geneviève? Le dragon... Spirituellement, je suis un dragon. À travers le monde, le dragon est reconnu pour représenter la destruction du monde. C'est aussi un symbole de tentation de la part des forces du mal. Est-ce que ça veut dire que je suis un reptilien? Non, ça veut juste dire que vous êtes trop large pour appeler Geneviève, Michel. Plus fort. Ça si difficile de te trouver et de te retrouver. C'est si difficile de te trouver et de te retrouver au travers de toi-même. C'est peut-être trop, c'est peut-être juste assez, ennuyant pour toi comme pour moi. C'est peut-être trop, c'est peut-être juste assez, ennuyant pour toi comme pour moi. Dirais-tu que tu veux encore vivre heureux, apprendre à devenir tous les jours plus grand. Dirais-tu que tu veux encore vivre heureux, apprendre à devenir tous les jours plus grand. Grand, grand comme le ciel, grand comme les montagnes, l'avenir d'un géant. Grand, grand comme l'océan, grand comme les baleines, grand comme les ballons qui nagent si librement. Merci. C'était vraiment charmant. Merci Damien, merci Glad. On te souhaite de retrouver ta Geneviève, c'est sûr et certain que tu mérites au moins ça. C'était bon aussi. Ah, il s'apprécie. Quelle aventure, hein? C'était bon aussi. C'était coloré. Il y avait d'émotion. Ouais. Moi, j'ai aimé ça. Moi, je pense que c'était un hommage pour vous. Hein, c'était pas du tout qu'il y avait plein de paillettes dans ça. Puis j'ai aimé ça. Ouais. C'est vrai que Damien, il fait frange, hein? Très. Me semble. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on est prêt pour le prochain. Hey, moi, je suis pas prêt de pas en tout. Là. Ah, ah, j'étais encore dans les autres. On encaisse, le gros! Ça sent bien. C'est comme un après l'autre. C'est comme jouer à Punch-Out. On est toujours dans Stranger Things. Oh! Ah! Non, non, non, non, non! En semaine, c'est merde! C'est ça, le bruit, merde, c'est... T'es en forme, le bruit, merde! Hey, moi, merde... Ah, tu peux baisser le fader, gros, esti, là. Merci, man, je veux parler, gros. Ah, barnac, relax. Moi, je suis pas content, là. Je suis full impressionné, gros. Ouais, moi tout, man, aussi. Je suis pas content, mais je suis impressionné. Dominique et Martin, je suis content man, de vous là, man. Hey, c'est pas Dominique et Martin, man. Esti, il y a une guitare, il y a cette gus, cette mousse, man. Fucking shit, je te gros, dis, man. Qu'est-ce qu'on guitare, va faire, là, man. Ils servent une guitare, man. C'est sûr, c'est eux autres, man. Mais je suis pas content parce que eux autres, man, ils aiment pas les jeux de société, ça a de l'air, man. Là, ils ont dit ça tout à l'heure, là. Parce que nous autres, c'est une passion, man. Esti, moi, si je fais pas de la dope, man, je joue aux jeux de société, c'est pour l'autre, man. Tu penses ça, man. Mais moi, mais à l'envers, je menace avec mon gun et tout, j'aime bien ça. Motherfucker! Ouais, man. Yeah. I mean, une bise, je pense qu'il me cherche, gros. Calme-toi, man. Calme-toi, gros. Calme-toi. Il y a personne qui va s'en rendre compte, c'est un faux gun, man. Okay, calme-toi. Ouais, mais on a une nouvelle toune, man. Ouais, faites y man. Mais ça a l'air, si, man, pour passer ailleurs qu'à MCG, man, pour faire de la pop, si, là. Okay. On a décidé de faire de la pop, man. Hein? Ouais. Ben c'est ça, man. Je pense qu'on va lui dire de partir ça, man. Hey, gros! Je pense que tu l'as parti dans le milieu de la toune, man. Oh, oh shit! Mets le son, man! Sors le bruit! Beach Club Airday! Paraîtrait qu'autour de 1370, les Chinois ont inventé les jeux de cartes. Enjeux de société, culture générale, il faut que ça sache! Come on, le bruit! Les hommes, man, tout aussi! Gros! Bon, c'est ça! T'es-tu dans le game, gros, yeah? On parle de Monopoly, c'est nous et le moins pourri, je te le dis. Je peux faire diversion, t'enlever les yeux de la plaque. Je te crisse une plaque, je te pique ta place, super. Je sais que je prends tout le temps le canon. Parce que tu peux te faire avec un gun. Je sais bien que t'as trouvé ça con. Va sentir mon vrai, moi te couper ton fuck. Non, à tout volant, t'es 21. Je te planche n'importe quand à bataille. Je suis un bâtard au jeu de table. Mais c'est avec les cartes que je deviens maniaque. Faut que je reste focus, j'apprends tout au cœur. Ok, c'est focus, la dame de pique, la dame de corps. Ok, c'est focus, l'argent du store. J'ai toutes mes vies sur 54, je ramasse. C'est carré. T'es-tu gagné? T'es-tu dans la game, gros, yeah? avoir un âge d'un poche d'eau ni la place en solitaire. Quand même au fond, c'est pas tout libre qui ça rend heureux. J'ai comme une puce à l'oreille qui me dit gros réveil. Attention, pas de perdre le jeu, c'est pas sérieux. La vie se complique dans la crinot. Puis risque, on s'en fout. Mon toi, ben merci, je veux chercher un défi. Pas juste une dingue d'une autre. Je suis un god, so cherche pas le pot. Puis donne-moi quelque chose de l'or. Fait que là, je me suis décidé, jamais mieux servi. Que pas mon bruit, j'ai ma blonde Monique. Dans une game de risque, on a eu trois enfants avant que la game finisse. Oh, c'est grave, là. Everything around you, Monopoly. Hey, merci beaucoup, c'est vrai qu'il y a des 500 là-dedans. Ah oui, ils ont jeté des 500. Des 500 là-dedans. Ils sont vraiment au-dessus de leurs affaires. On en a appris sur le Monopoly dernièrement. Hey, mais ils font vraiment caisse commune, c'est beau de voir ça. C'est beau, c'est vrai qu'ils font caisse commune puis ils ont de la chance d'être là aussi. Ah, ça c'est sûr. De la... ouais, là. Et puis vous autres, comment ça se passe, votre 70%? Ben moi, je te dirais... On le vit à 100%. On le vit à 100%, donc 100 moins 30, 70, ça plus 35 plus 20, chaque. Ça 35 chaque. Tiens, je te donne un 100. De moins 100, 135. Capote. Fait que, yeah. Je pense qu'on est prêt pour le prochain chroniqueur. L'important, c'est que ça balance. Ah, peut-être une question comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresse tout le temps beaucoup, mais avez-vous déjà vu un fantôme? Nous, est-ce qu'on a déjà vu un fantôme? Ouais, oui. Ouais. Oui, on a déjà vu un fantôme. On a déjà... Nous, on a perdu quelqu'un de très proche l'année passée. Un ami à nous. David Bowie, genre. David Bowie. C'est bon que t'en parles. C'est bon que t'en parles parce que je pense que j'apprendrai rien à personne. Au Québec, on a une... tradition. Une tradition, on peut dire ça comme ça, un rite de passage. Quand quelqu'un de proche dans la famille décède ou dans les amis, on va tous d'un chalet puis on fait du moche. On fait du moche ensemble. Et pendant ce voyage de moche-là, on a vu David Bowie. Il est venu nous parler. C'était quoi les chances? Choisissez-vous. Il parlait... Ben, ce moment-là. Ouais. Il parlait français. Mais en même temps, ça, par exemple, c'est explicable par le fait qu'Astor, il est mort il y a plein de temps. Pour apprendre des langues, des affaires là-même. Et C'était un gars curieux à base quand même. Il avait plein d'intérêts. Je sais que c'était un grand fan de Batracien, entre autres. Ça, les gens ne savent pas. Et il nous avait demandé à ce moment-là, en français, de lui rendre hommage. Et notre album était terminé d'écrire Rock Danger. Et on a rajouté une chanson pour lui, Petit homme fusé. C'était mon anecdote de fantôme. Merci tout le monde. C'est sublime. Merci à eux. Quand même très généreux. On a communié. On s'en va peut-être d'une autre pinte, messieurs. Trois jours de dernière mission, Valérie, s'il te plaît. J'ai pas peur. Et on est prêt pour le prochain chroniqueur. J'ai dit, s'il vous plaît. Et on y prend Snowblade, c'est dangereux. Les bons légumes poussent, de plus en plus gros. Hey! Miam, miam, miam, les bons légumes. Oh, oh, oh, oh, c'était le bad boy. Mathieu Portalance, mesdames, messieurs. Yeah. Non, mais qu'est-ce que tu dis là? C'est Lucien Franqueur. Ah, oui! Hey, ben oui, je suis encore vivant, même si tous mes amis sont morts. Ben oui, vous devez me demander qu'est-ce que je fais ici, ben c'est parce que j'ai écrit un nouveau poème. Yes! Puis je sais que tout le monde s'en calisse aujourd'hui, non, mais bon. Ben non. Écoutez, aujourd'hui, tous les jeunes, ça écoute juste du pop, genre du Adele, du Bieber, je sais pas trop quoi. Ben la vraie musique, c'est moi qui l'ai faite, puis c'est le rap. Puis je vais vous lire mon poème. Hey, hamburger, j'ai vraiment peur. Pink Floyd, hot dog, stade olympique, je me pique. Le métro de Montréal, croix de Mont-Royal, le petit Jésus crucifié, il est attaché. Ouais. Imposteur, c'est moi le vrai Lucien Francœur. qui va là, là? Hey, wow, petit bonhomme, là, pour qui tu te prends? Ben, Lucien Francœur, c'est moi, j'ai un chandail de C'est quoi? Ben, moi aussi, j'ai un chandail de C'est quoi? C'est quoi, Francœur, chaud! Allez, on fait les demandes spéciales jusqu'à 9h à soir. Hey, ben, t'étais où en 1974? Toi, t'étais où en 1974? Ben, j'étais à Washington avec Charlie sur mon Harley. Mon esti de menteur, j'étais en train d'enregistrer un album d'autre chose. Ben non, je faisais autre chose que ça. Ça, tu veux dire? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Mande-moi donc un peu, esti. Minute, tu me parleras pas ce ton-là, mon petit bonhomme. Ah ouais, parler comme ça me tente, on n'entend pas parler de Franquin pendant 20 ans, puis deux coups, il y en a deux en même temps. Justement, parler de ça, sexe illégal, ça fait 40 ans que vous faites de la musique. Hein, moi, quand vous aviez la couche au cul, moi, j'en avais 5 albums de fête. J'ai 70 ans de carrière, je suis dans le show business depuis tout ce temps-là. Donc, t'es en train d'en faire un sixième en plus, vous autres, vous êtes rien. Ainsi, hein? On a chié des hits, nous autres, hein? Un après l'autre, des classiques. Puis parlant de ça, moi, en 1972, quand j'étais allé dans mon road trip au BC, j'en ai fait du sexe légal à la Canadienne de 14 ans qui avait dans une chambre d'hôtel. Faites une tonne là-dessus dans mon deuxième album, pour ceux-là qui s'en rappellent. Bon, ben parlant de ça, ben... Hey, j'ai acheté un Nintendo 64 à ma fille. Ah ouais, ça fait bien longtemps, mon petit bonhomme. En 1996, écoute, hey, on a même fait une toune là-dessus, là. J'ai fait du moche en jouant à Mario, c'était malade. Fait qu'on va faire la toune qu'on a écrit. Vous avez pas l'exclusivité, c'est tune de base. C'est nous autres, les Super Nintendo. C'est moi qui ai inventé le rap. C'est bien mieux le Nintendo 64, le Super Nintendo. Ben, j'ai sorti mon téléphone, as-tu de me rappeler des paroles, la drogue des jeunes. Ben oui, hein, c'est tout avec les pouces. T'as le choix de faire couper un pouce, garder ton téléphone, de te faire couper le pouce, ma gang de tabarnak. Let's go, musique, on s'il vous plaît. Hey! On est de la musique à soir. Faut dire 3-4! 3-4! Alright, let the bass going on. Feel the rhythm in my purple ball. 3 dimensions! Digne de mention! Polygone! On va avoir du fun! Bonhomme gonflé! Bonhomme carré! Décor en papier! Mal découpé! Ça va trop vite! 64 bits, Nintendo, tu me fais peur, Bowser, viens te battre, Nintendo 64. Hein? Et pour les mauvaises langues qui disent que c'est la même triste tune que le rap à Bélé, vous avez raison. Hey. Yeah! Wow! Un duo de Lucien Francœur. Mais vous devez avoir déjà fait un spectacle avec Lucien. Il a déjà fait un spectacle avec nous, pour dire ça comme ça. C'est vrai, faut être humble dans ça. Faut remettre les points ici, les bassités. Moi, c'était la première fois que je le voyais en duo avec lui-même, Lucien. C'était plus intéressant que ce qu'il nous proposait d'habitude. Oui, effectivement. J'aimerais mentionner, pour les gens pas sûrs dans la salle, que la chanson sur le deuxième album qui parle de sa relation sexuelle avec une Indienne de 14 ans, c'est « Barbecue Lady ». Vous pouvez l'écouter sur Internet, c'est gratuit. Et Lucien, écoute, c'est, je dirais que c'est une de nos expirations. Donc, on exulte. On l'exulte assez solide. Donc, merci. Mais c'était un excellent segment, ça. Donc, on a beaucoup de chansons ce soir. Un duo de Pierre Harrel, ça serait bon. Ah non. Il y en a un qui fait ding-dong, puis l'autre cogne. Ben, là, au moins, quand t'as un duo de Pierre Harel, t'as pas besoin de te poser la question sur lequel on tire. Exactement. C'est les deux. C'est exactement ce qu'a répondu Marjo à la même question. Leave Pierre Harel alone! Alone! Ah, la vie va s'en occuper. Yes, en passant, pour ceux qui s'intéressent, Pierre Harel, c'est maintenant parti une page fan de Pierre Harel. Oui, c'est quand même assez excellent. Et il poste personnellement de Facebook sur sa page fan, la page de Pierre Harel, et c'est très rochant. C'est très caps lock. C'est très caps lock. Et c'est un livre ouvert. Un livre ouvert. Je m'ennuie de ma toutinette et des choses comme ça. C'est et on peut lui poser des questions des affaires et y répondre. Oui, on peut l'insulter. Oui, oui. Tu peux la starter sur Safia Nolin. Anytime. Il a pété un plomb sur Safia. Sur sa braise, puis Pierre, il repart. Il repart. Oui, en fait, Pierre Harel a découvert il y a 10 jours de ça que les gens faisaient des covers des fois. Il a découvert ça. Oui, oui. Non, il a découvert, il savait pas que ça se passe. Il savait même pas que les Rolling Stones avaient commencé de même. Lui, d'une soirée karaoké, il capote. Toutes les hosties de voleurs de dunes, de ces malades mentales, de ces jeunes pas connus qui font des dunes, de ces de monde qui ont travaillé fort, gaulliste. Fait que c'est, on sent que c'est vraiment une force du bien. Jerry aurait pas chanté ça, mais ben, Jerry voulait pas chanter tes tunes non plus. Moi, m'a dit quelque chose. C'est correct. Si tu pouvais faire pousser des cheveux à l'amertume, Pierre Harel. Faut dire ça de même. Vous le m'aurez après à 70%. Yes. Là-dessus, à combien de pourcents? Combien de pourcents, tabou? On est prêt pour le prochain chroniqueur. Oh, le sport! Ok. Fait que. Il me reste rien qu'une nouvelle, mais attention, attache ta tuque en esti. Oh. Michael Douglas Freeman voulait fumer une cigarette. L'homme de 63 ans était dans l'autobus qui le ramenait chez lui dans le côté de Putnam, en Géorgie. Sirotant le lait qu'il venait d'acheter directement de la pinte, Freeman a décidé qu'il était temps pour sa dose de nicotine. Ne se souciant pas des conventions, il a décidé d'allumer une cigarette à l'intérieur de l'autobus. Rapidement remarqué par un autre passager ainsi que par la chauffeuse de l'autobus, il s'est fait réprimander, se faisant demander d'éteindre la cigarette immédiatement. Lorsque l'homme a refusé d'obtempérer, la chauffeuse aurait arrêté l'autobus et demandé à l'homme de descendre, ce que Freeman a pris personnel. C'est à lui qu'a parlé. Il aurait alors arraché les clés du contact de l'autobus et ensuite coupé la chauffeuse avec les dites clés. Il aurait ensuite sorti son briquet et mis le feu aux cheveux de la chauffeuse d'autobus. Yeah! Qui est descendu de l'autobus avec les autres passagers, s'assurant qu'elle n'était pas blessée. Pendant ce temps, Freeman aurait pris le volant de l'autobus et se serait mis à avancer et à reculer plusieurs fois devant les passagers en sacrant, avant de quitter la scène avec l'autobus. La chauffeuse aurait appelé le 911 qui a rapidement retrouvé le véhicule et a tenté de l'arrêter. Tentant d'éluder la police, Freeman a augmenté sa vitesse à 110 km/h, causant une sortie de route. Il a ensuite continué sa course roulant, entre autres sur des pics conçus pour créer des crevaisons. Les quatre nœuds crevés, Freeman ne s'est pas découragé, entraînant la police dans une poursuite atteignant 150 km/h. Après 50 km et 45 minutes de pure aventure, un policier a réussi à heurter l'autobus avec son véhicule, stoppant sa course. Le chauffeur amateur aurait refusé d'ouvrir les portes de l'autobus et aurait également mordu un ambulancier qui tentait de l'aider. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Super. Tout une, pas dire comme toi, hein? Ça, c'était... On a trouvé un déficit d'attention plus grand que celui d'Éric Salvaille. C'est quand même assez imbécile. On peut pas dire que Freeman a fait ça à cause du lait, mais on peut dire qu'il en a bu, par exemple. C'est ça. Oui. Donc, c'est vrai. Checker vos affaires. Ça dit-tu, c'était du combien de pourcents? Ou on a un lot quand même? C'est vrai. Non, mais Bruno, souvent, il nous ramène une suite des nouvelles la semaine d'après. Faire sûr que tout est bien digéré. On va revenir la semaine prochaine voir si tout est beau. Et voilà. Merci beaucoup, Bruno. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les chroniqueurs. C'était votre 70%. À partir de maintenant, on va dégager la scène. Tout le monde ensemble, on va installer nos invités le mieux possible. Et ainsi, ils vont pouvoir faire leur petite performance. Merci beaucoup, Alexandre Larocque, technicien. Merci à Sexe Illégal. Je pense qu'il existe sur Facebook. Suivez-les. C'est pas mal là pour vous suivre. Écoute, googlez pas ça trop au travail. Non, Sexe Illégal. Ni trop en Turquie aussi, c'est difficile. Exactement. Donc, checkez vos shit. Et nous, on ne veut que les fans les plus cool. Donc, si vous êtes moyen cool ou pas cool, ayez la décence de ne pas liker notre page et de ne pas venir à nos spectacles parce que vous baissez notre quota de gens intéressants. Donc, juste les plus cools qui like. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vais aller faire un petit pipi. Après ça, on fait deux tunes. C'est bien. Des barbeaux, c'est des œuvres d'art. Faut pas rester en cabané. Ton écran va finir par te rendre cerné. Je le vois dans tes yeux. Faut que tu trouves ça beau. Je le vois dans tes yeux. Faut que tu trouves ça beau. Yes, bacon lovers. All right. Cool! Yes! Hey, tout le monde! Hey. Bienvenue au spectacle Orang-Outan! Yes! Yes! La réponse... On en aura autant qu'on en voudra. That's it! Alors, demandez-en pas. Il y en a Orang... Oh, j'avais rien d'autre. Hey! Désolé pour les gens qui mangent à l'avant. J'y vais full naked à soir. J'étais venu en genre de civil. Ce soir, pour pas vous intimider, mais j'avais quand même mis mon plus beau collier. Ben oui, civil veut pas dire civilisé. Ben hein? Voilà, exactement. Ben, et j'ai décidé donc de me mettre un peu en mode rockstar pour vous les gens. Pour ceux qui nous connaissent pas, ben premièrement, honte à vous. Et deuxièmement, on va se présenter quand même, on va faire semblant. Mon nom est Tony Legal. Et j'aimerais vous présenter... mon guitariste, l'unique Paul Sex, mesdames et messieurs. Baba Cool Elvis Presley, Clapton, de l'équipe. Yeah. Jean-Bel. Oui. Nous sommes bien sûr le duo légendaire Sex Légal, plus de 40 ans dans la bise, 40 ans à se rouler la bise même. Et on se la roule solide. On se la roule assez solide. On a la bise irritée. Définitivement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec une couple de covers. Ça, des covers, c'est des chansons que tu peux apprécier même si tu nous aimes pas. Donc, c'est une technique. C'est une technique qu'on utilise. Ça s'appelle la technique Allez, Sylvain Cossette. Oui, c'est la technique Sylvain Cossette, les covers. Sylvain Cossette, pour ceux qui savent pas, c'est le père d'André Waters, je pense, c'est ça? Tu liras la bio du rock québécois. Là. Exactement. Il est en annexe. Donc, premier cover, c'est une nouvelle chanson qu'on fait depuis, ça fait pas très longtemps. C'est une chanson des Rolling Stones, petit groupe anglais qui viennent du UK. Du UK, donc des Zoukéniens. Des Zoukéniens. Des Zoukini, ça dépend, je pense. Des Zoukini, les deux se disent. Et c'est une chanson, je pense, qui nous montre à quel point ça fait longtemps que les Rolling Stones sont parmi nous, parce qu'ils peuvent nous parler du passé géologique. Oui. Tabarnak, j'ai pas de son. Mais c'est ça, je me disais, check bien ça. Fait que on va commencer à faire mon stock solo en attendant. Donc, moi, comme je l'ai dit tantôt, j'ai appris à marcher vers 8-9 ans. Tabarnak, une chance qu'on n'est pas allé là. Il sait pas de quoi je parle, fait que c'est pour ça, là. OK, t'es ready, Jim? Du monde, Pangée, Pangée, des libellules grosses comme ta blonde. Avant l'Amérique du Nord, c'était collé sur le 14. Ça devait pas coûter cher de traire. Juste des mammifères cachés, les iguanes font 22 pieds. Ça fait 200 millions d'années. Mais Pangée, tu vas faire des bébés. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. C'est quoi là le cinquième? J'pense que c'est l'Australie. T'étais pas la scène. C'est ça. Pangée. Pangée. Avant partout c'était ici. Définitivement un cover. On va en faire un autre pendant que vous vous rappelez c'est quoi. On vient de l'expliquer. Moyen, mais je vois ça le fait. C'est cool. Le prochain, c'est assez émotif. Je préfère le dire quand même. Aux gens dans l'assistance. Qui m'a fait un mood d'abord. Fait un mood. C'est une chanson émotive. On préfère avertir le public avant parce que il faut y avoir du monde dans notre public qui ont vécu des affaires tough, des affaires difficiles. Ça peut être une naissance, ça peut être un décès, ça peut être un pitbull, ça peut être bien des affaires. Okay. Mais vous le savez, peu importe ce que c'est, ils disent, hein? Faut pas que tu gardes ça en dedans. Fait que pour ça que ces gens-là vous demanderaient de sortir, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Parce qu'on c'est comme un show. On est quand même en show, donc c'est un respect. Peu lourd. Ouais. Peut-être juste écrire un blog en revenant à la maison au lieu de parler de vos affaires quand c'est pas le temps. C'est une chanson de celui qu'on surnommait affectueusement le Leonard Cohen. Surtout c'est parce que c'était son nom. Hein. C'était son c'est nom tout. En fait, c'est non. Ça. Oui, vraiment. Et évidemment, il est décédé cette année, donc ça prend une autre couche d'émotivité, je pense. Parce qu'on a perdu une coupe cette année quand même. Mm. Bon, oui. Cohen, Bissonnette. Où s'en vont nos poètes? Où s'en vont nos poètes? Il y a un petit commerce au marché Jean Talon, où il y a foule le monde, puis ça sent pas bon. Mais t'as pas d'autre option pour faire une fondue. Il y a tellement de choix, c'est un peu mêlant. Du brie, du bleu, du parmesan. Mais moi, je n'ai qu'en tête l'arôme du gouda. Oh, le gouda. Cheesy, Anastie, ça. Cool, hey, c'est vrai que c'est cheesy tout le monde, mais en même temps, je vous avais averti, donc. Oh boy! Alright. Chance d'être là. Ils avertis juste au cas. Juste au cas. Oui, c'est pour éviter les bris de contrat, donc. Oh, c'est vrai, on dirait que Mozart est là. Merci. Hey boy. Écoute, on va continuer si on veut pas se coucher d'or. Ouf. C'est vrai qu'on rock fort. Bon, enfin, quelque chose. All right. C'était edgy, honesty. On vient de parler de Leonard Cohen. Deux secondes, je pense que je pense qu'on a le temps, là, quand même. On est ici ce soir, t'es torse nu. Donc, je pense que c'est le moment tout zigné pour faire un hommage. J'aimerais juste faire un hommage à quelqu'un, si tu me le permets, deux secondes. On est ici, on est en musique, on est en hommage. Je vais me mettre en mode hommage, deux secondes. Ça fait quand même une certaine année. On a parlé de David Bowie, on a parlé de Daniel Cohen. Il y a un gros membre du milieu qu'on a perdu. Quelqu'un nous autres, on appelait le Booker d'Alep. Monsieur qu'on appelait Laurent Joutan aussi. Quelqu'un, je pense, un grand de la musique qu'on a perdu. Il est parti vite. Monsieur René Angélil. Je pense que ça fait un an quand même, là, je pense. Non, c'est quelqu'un qu'on a perdu l'année passée, puis je pense que c'est important qu'on s'en rappelle. Oui, René, qui est parti un petit peu comme Challenger, c'est-à-dire un petit peu trop vite, mais un peu croche. Et qui laisse dans le deuil une communauté artistique complète, des gens qui maintenant, depuis son décès, n'ont plus... Les jeunes n'ont plus maintenant de modèle depuis le départ de René. Ils n'en ont plus, les jeunes. Non, ça c'est vrai, modèle. Par exemple, c'est vrai que les jeunes n'en ont plus. Exact. Ils n'ont plus de mentor. Ils n'en ont plus de mentor. Il n'y a plus de mentor pour les jeunes pédophiles gamblers. Il y en a plus. Wow! Ouais. Attends, non. Deux secondes. C'est un dommage. Tu peux pas juste... Non, c'est bon. René, tu me laisses, c'est un hommage, là, juste peut-être. Non, là, c'est rendu un hommage collatéral. Oui, ouais, vraiment. Ouais. Non, mais en même temps, c'est correct, le gars René Gaga, too soon, juste too soon. On est là pour se rappeler de lui, donc juste, okay. Please, too soon. Tout ça, too soon un peu, toi, quand je parle de ça, puis tout, sa mort, ça, ça vient d'arriver. Too soon. Ouais. C'est qui qui trouvait ça too soon aussi? Céline, à 13 ans, trouvait ça too soon. Non, gars. Yeah. Too soon, René! Too soon! Okay. Non, gars, yeah. OK, fine. C'est correct, juste, on va te donner, gars, c'est vrai. D'un côté, que t'es pas censé rencontrer ta blonde d'une game de ballon poire. Pas supposé. Mais, d'un autre côté, ça, je pense que je suis pas le seul, je pense qu'on est d'accord. Le temps nous a prouvé que c'était de l'amour. Tu comprends? Ils sont restés ensemble tout au long, et je pense que ce que ça nous dit, ça, c'est qu'au Québec, l'amour existe encore. Et ça, je pense que c'est sweet. Sorry. Yes, moi juste, peut-être, moi je pense d'autres choses et j'aimerais le dire. Non, mais quand même. Moi je pense que ce que ça montre, c'est qu'au Québec, ça nous dérange pas la pédophilie. Juste un instant. Au Québec, ça nous dérange pas la pédophilie tant que nos pédophiles sont fidèles. Hein, nous autres, on veut pas d'esti de pédophiles volages, esti, qui brisent le cœur de tous les enfants sur l'équipe de kickball, calliste. Alors, non, t'en pognes une, ta garde, esti, pis tu l'amènes à Vegas pour faire ça devant sa mère. Hein. Ok, cool. Alright. C'était un hommage de chèvre, hein? Ça, c'est... Regarde, t'es de mauvaise foi, là, Chris. On était là pour souligner la part, puis c'est privé, ces affaires-là. Si, on était là pour l'homme public. T'es dégueulasse. Le gérant. Le. Si, t'es pas fait. C'est de mauvaise foi, ton affaire, man. Je trouve ça dégueulasse que tu me dises ça, toi. Que toi, tu me dises ça. Si, t'es comme tout le monde, quoi. Vous autres, vous avez toute de la misère avec ça. Si, quand quelqu'un de connu fait quelque chose de dégueulasse, si. Vous savez pas comment réagir, quoi. C'est pas vrai, ça. C'est vrai. Fuck you, man. Moi, on va te le dire. M'a dit de quoi, là? Toi, là, si Guy Turcotte avait été dans les Bee Gees, est-ce que t'aurais pas su quoi faire, quoi? Ça dépend. De quoi ça dépend de quoi? Là? Qu'est-ce qu'il a fait, Guy Turcotte? Je veux dire. Excuse-moi. Chris, il a tué ses enfants. Là. Non, je veux dire, dans les Bee Gees, il faisait quoi? Il jouait de la bass, Chris! Il chante! Il fait quoi? Il joue de la bass! Il a ses enfants, là! Tout ce que je dis, moi, c'est qu'un bassiste, c'est plus facilement remplaçable qu'un chanteur! OK? Manque d'informations! Alright, ok, gars. C'est quoi, gars? C'est correct. Je vois bien que je vais pas te faire changer d'idée, là. Ok? Fait que vas-y, Asti. Bon, finis-le ton hommage au gérant de Marc Dupré, gars. Pardon? René Angélil, c'était le gérant de Marc fucking Dupré. Ben, je veux dire, je pense que tout le monde sait ça, là, c'était comme un... On a donné des funérailles nationales au gérant de Mac motherfucking Dubré. Moi, je pensais que tu le savais. C'est dégueulasse! Je sais que c'est dégueulasse! C'est ça que je dis tout à l'heure. C'est dégueulasse! Fais-moi pas sentir comme si c'était moi qui étais de l'autre opinion. Là. Fuck you! Je veux plus le faire, mon hommage. C'est dégueulasse! Ouais, tout le monde, il veut plus le faire, son hommage. T'es sûr, là? Marc Dupré, asti! J'ai peur de ton guépard! Oui, je sais. Une drôle de toune. En même temps, tout le monde a peur des guépards, Marc. C'est des grands félins très dangereux. Alright, on peut pas finir là-dessus. Je pense que ça serait mal vu par la disque. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dernière chanson. Marc Dupré! Relax, OK? Juste fucking relax. On va faire une chanson. Puis c'est une chanson sur une cause qui nous touche beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on l'a écrit. Et on l'a écrit en l'honneur de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on soupçonne qu'il existe. Sorry, j'ai pas de change, j'ai rien à te donner. J'sortais du Harvey's, j'ai tout dépensé. Toi, t'habites dans la rue, ton manteau est tout déçu d'être encore sur toi, 8 ans plus tard. T'es rendu là, moi je le sais pas hier. J'aurais voulu t'aider. Après j'ai grossi mon coke. Des fois on fait des choix dans la vie. Pop, palalala, pop, j'étais parti. Ah bon, je me serais arrêté. Ah banque. Et là le temps me manque. J'ai un rendez-vous avec Jean-Pierre. Hey! Whatever, le beau. Yes. On peut-tu en faire une dernière ou c'est trop long là, notre affaire? On peut-tu? On m'avait pas consulté. On n'avait pas. En fait, c'était une question rhétorique, on allait la faire quand même. Peu importe. Ça s'appelle du showmanship. J'ai entendu tantôt, je sais pas, je te vois pas beaucoup. J'ai des lunettes fumées, il y a des spots, mais je pense que c'est un jeune enfant malade. En avant. Est-ce que ça se peut que tu sois en chimio? Il a de la misère à se lever, oui. Il est en chimio, mais c'est pas ses cheveux. C'est pas ses cheveux du tout, présentement. Il porte une genre de casquette de fil. C'est très spécial. Et nous, ça nous touche énormément parce qu'à chaque année, on fait le défi d'eau rasée. Oui, exactement. On se rase le dos pour refaire les sourcils d'enfants ici. Exactement. L'eau, c'est mic. Alors, les hommes, exactement. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pilosité sans frontières. Pilosité sans frontières, ça dit sûrement quelque chose. On l'a déjà fait. Oui. Moi, souvent, je me rase la moustache pour refaire les cils aussi. D'enfants brûlés, toutes ces choses-là. Donc, une dernière chanson, il nous l'a demandé, c'est un enfant, il va mourir, donc on l'a fait. Est-ce qu'on a ce soir, dans la salle, des fans de Ricky Martin, par applaudissements? Yeah! Cool, les gens qui ont applaudi, les autres, j'imagine, vous écoutez juste de la musique de marde, j'imagine. Juste des tonnes de marde. Non. OK. Ils n'ont pas de culture, les jeunes, vous avez presque pas de culture. Ils parlent mal en plus. Toutes ne sont pas de Candy Crush, you know. Mais non, soyons honnêtes, deux secondes. Nous non plus, on trippait pas sur Ricky Martin au début, moi pis Paul. On pensait que c'était juste un petit latino de 5 pieds 1, plein de losses, qui passait toutes ses soirées à shaker le bonbon. Shaker le bonbon, gros. Shaker le bonbon. Un gars qui dépensait 3000 pièces de gloss par semaine. Un peu comme Rachid Badouri. Exactement. Ou la fille de Norman Brathwaite aussi. Exactement. Qui est toute faite en lipsil, pour ceux qui ne savent pas. Je sais pas au couteau, mais dans du lipsil. Dans du lipsil, exactement. Faut pas qu'il fasse trop chaud. La salsa, c'est non, pas pour elle. C'est ça, exactement. Alors, Ricky, nous, la raison pour laquelle on n'a pas accroché sur Ricky au début, moi pis Paul, c'est qu'on ne parle pas espagnol. Non. Hein? Communément appelé la langue des pauvres. Wow, man! Dis pas ça de même, esti, là. Dis que c'est une langue riche à la place. L'espagnol, c'est une langue très riche. D'ailleurs, c'est ça l'affaire. On dirait qu'ils ont tout mis dans la langue, fait qu'ils ont plus une crise de scène. My man talking right there. Thank you. Ça explique un peu peut-être la situation géopolitique. On dirait qu'on est à l'ONU. Exactement, oui. C'est vrai. Comme George Clooney. C'est vrai, ça détonne au bout. Mais là, ce qui est arrivé cette année, c'est que on est devenu amis avec deux Mexicains. Hein? En fait, ils font le ménage à la maison. Et quoi, Calis? Ils peuvent pas ramasser des petits fruits à l'année, là. C'est raciste, ça, man! C'est raciste de penser ça, voyons! C'est plein de préjugés. Il n'y en a pas de bel hiver, là, tu non. Vois. Voyons, non. Il n'y a pas de saumétier, puis il n'y a pas de conne saison. Exactement. Et donc, nos deux nouveaux amis mexicains, j'ai oublié leur nom, donc on va les appeler Tupac et Biggie. Ils ont traduit les paroles d'une chanson de Ricky Martin. Ils ont été complètement flabbergastés. Capotés. Tombés sur le cul. Tout le kit. À propos de l'engagement de cet artiste-là. C'est un artiste qui va dans des zones dark, dans des zones difficiles, dans des zones que c'est pas tout le monde qui ose aller. Fait qu'on s'est dit, pour vous autres, la gang à soir qui parlait pas le Fight House. On va vous la traduire, OK? On va être du fun avec ça. Là, je veux pas trop en dire, c'est la toune. Pas voler de punch, fuck all ou rien. Juste mentionner, si c'est possible, que c'est un hommage à Anne Frank. OK. Fait qu'à la fin de la chanson, on peut applaudir, mais pas de high five. Pas de chill. Pas de chill ici. Question de respect. C'est ça le respect, OK? Le genre de base qu'on se donne entre nous autres pour vivre ensemble, OK? Le show oui, la show what non. Ah! 1929 dans une famille juive. Les vêtements étaient jamais neufs, en tout cas pour ces photos d'archives. L'Allemagne a changé, mais pas dans le bon sens. Le petit moustachu fauché est plus fou que tu penses. Ils vont te chercher chez vous pour te crisser dans un tas. Voler tes bijoux, tes peintures et même à ton chien. Ah! Ils dressent absolument rien. Pourquoi quand ils t'écrivent de la mémoire, les belles habits d'Holocauste, les cachets de l'armoire. Les belles habits d'Holocauste. C'était sexe illégal, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Ben oui! On était là. Ils étaient là. Ils sont venus nous voir au Brouhaha un lundi. Et ça termine la première partie du meilleur show gratuit du lundi au monde de tous les temps ever. J'ai-tu comme dit que j'étais pour participer à Célibataire et nul? Salut, maman! Je pense que ma mère, elle écoute. Donc, à partir de maintenant, on rentre dans la deuxième partie de notre soirée, ce qui veut dire qu'on salue notre VJ. Allô, Maxime, allô! Oui! Maxime, c'est un VJ professionnel, dans le sens qu'il est payé pour faire ça. Ferme le micro, Alex. Il a aussi extrêmement de talent, il a un sens de l'humour particulier, mais il n'est pas le genre à parler beaucoup. Ce qui veut dire que la prochaine personne qui va parler dans le micro, ça devrait être moi. Ou la personne qui va faire l'encan, parce que ça me tente pas de le faire. Bruno, veux-tu faire l'encan? Ça va être Bruno, j'ai l'impression. Donc, pour l'instant, je suis très content de laisser la tribune à quelqu'un que ça fait une tranche qu'on n'avait pas vu. Vas-y, Maxime. Et un petit merci particulier. Allez liker leur page Facebook, ça va les aider beaucoup. C'est sexe illégal, hein? Ouais. Continue la morphine. Résultat, j'ai vomi parce que j'ai vu des papillons dans mon yogourt. c'est donc ne pas mélanger les drogues et les produits laitiers. Ça m'a fait me rappeler que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris de drogue. Là, je veux tout de suite mettre quelque chose au clair. Quand je dis prendre de la drogue, imaginez-moi pas complètement décalissée Saint-Ban de Parc avec une pipe à crack dans une main puis mes dents dans l'autre. C'est pas mon style de drogue. Moi, quand je parle de drogue, je parle de ce que tout le monde a déjà fait, c'est-à-dire fumer deux puffs de joint, passer à travers d'un pain tranché au complet en riant, puis se réveiller le lendemain en étant mort à l'intérieur, le classique. Quand on vieillit, on change de dépendance. Hein? Maintenant, je suis un peu accro à des choses stupides, comme le site Internet de Météo Média. Qu'est-ce que j'aime ça aller là-dessus, c'est ridicule. Le site web de Météo Média, pour moi, c'est comme Playboy. Hein? Je vais pas là pour les articles. Donnez-moi de la météo. Je veux dire, je veux pas savoir comment faire pousser des crocus. Je m'en calisse de quelles graines mettre dans mes mangeoires pour attirer les oiseaux l'hiver. Donnez-moi des Celsius. Je veux dire, moi, les prévisions 14 jours, ça me rend folle comme la marde. C'est l'équivalent, en fait, de mon trouble obsessif compulsif, mais en météo. Je trouve ça extraordinaire. Sinon, ce que j'aime moins sur le site, c'est les sondages. Hein. Cette semaine, la question, c'était « Une vague de froid sévit présentement au Québec. Êtes-vous d'accord? » Êtes-vous d'accord? Mettons qu'on répond non. Est-ce que Mère Nature débarque en faisant « Hey, je suis désolée. » Mon erreur! Hey, pina colada pour tout le monde, mais vous crinquez ça à 32, on n'en parle plus. Hein? Nos vies changeraient du tout au tout si on devenait un pays chaud. Je veux dire, on aurait un plan de relance économique pour un Québec tropical. J'ai hâte de voir ça, moi, le Québec, premier exportateur mondial de papaye. Les conversations d'agriculteurs, ça serait genre, toi, ton troupeau, c'est-tu antilope ou gazelle? Non, moi, girafe, moi. Mais check tes flûtes parce que là, Bédard, dans le fond du rang 8, vient t'acheter un tigre. L'a appelé pantoufle. Ça a l'air qu'il mord. Beaucoup. Petit vierge, je voudrais bien t'en parler, mais il est plus là pour le faire. C'est peut-être une bonne chose qu'on ait la température qu'on ait. C'est une affaire, de toute manière, sur laquelle on n'a pas le contrôle. Dans la longue liste des affaires sur lesquelles on n'a pas le contrôle dans la vie, moi, par exemple, j'ai une maladie invisible. Hein? Je suis diabétique de type 1, insulino-dépendant. J'ai eu ça, j'avais 15 ans. J'ai été chanceuse, parce qu'à 15 ans, généralement, quand t'es malade, il n'y a pas de milieu. Hein? Soit c'est un rhume, soit c'est une leucémie. Mes parents étaient vraiment contents que je décède pas. Ils auraient été pognés pour faire le ménage de ma chambre. Ça faisait tellement longtemps que j'avais passé l'aspirateur. La poussière s'était syndiquée. Hein? Les acariens étaient rendus avec des avantages sociaux. Le plus proche que je suis passée d'être morte, c'est 48 heures dans le coma. C'est weird, le coma. Hein? T'entends tout... mais tu t'en calisses. Puis quand tu te réveilles, tout le monde pleure. C'est comme s'endormir devant Mémoire vive. C'est pareil. Merci. C'est gentil. Sinon, le plus difficile avec le diabète, c'est clairement le sexe. Hein, parce que quand on se dépense, comme on dit, on a tendance à faire des baisses de sucre, nous autres. À côté de mon lit, j'ai toujours des capotes, du lubrifiant puis une caisse de jus d'orange en boîte. J'aime ça dire aux messieurs que j'ai peur de trois choses dans la vie, le sida, la sécheresse puis le scorbut. Trouver le gars, par exemple, c'est facile, ça, parce que je suis une fille relativement jeune, relativement jolie, je veux dire, j'arrive dans n'importe quel bar puis je crie « Je suis disponible pour fourrer! » Règle générale, j'ai un résultat. Toutes les fois qu'il y a un humoriste de la relève, en fait, qui est venu ici vous raconter comment il s'est pas ramené une fille, moi, j'ai fourré. C'est ça qui est arrivé. Faut remercier le ciel quand on est cute dans la vie, parce que ça aussi, c'est une affaire sur laquelle on n'a pas le contrôle. La semaine dernière, je me promenais, j'ai croisé quatre ados sur la rue. Il y en a un qui se retourne vers un de ses chums, il fait « Toi, t'es un Christ de lait! » J'ai jamais su duquel il parlait. Je veux dire, aller d'une école secondaire, je veux dire, c'est pas une insulte, là. C'est un constat brutal, mais c'est pas une insulte. Ils ont l'air de des hobbits aussi dans le Crisco, je veux dire, c'est... dégueulasse. Sinon, c'est sûr que quand la vie t'a pas avantagé, la médecine moderne peut te refaire au grand complet. C'est juste qu'il faut pas perdre de vue que un changement, c'est pas toujours une amélioration. Prenons par exemple Donald Trump. Sur une échelle de 1 à 10, là, en termes de changement, c'est un 9. En termes d'amélioration, j'ai contacté les autres chiffres. Même le zéro veut pas être associé à ce gars-là. Il a peur que ça nuise à son image. Je veux dire... D'habitude, moi, j'ai de la sympathie pour les imbéciles, mais si j'étais pas absolument convaincue que ce gars-là a pas de tête, j'y souhaiterais un cancer du cerveau. Avec des effets débilitants. Là, ça changerait pas beaucoup, Marc. Le problème avec ce gars-là, c'est qu'il ment tout le temps. Mais quand il ment, lui, ça s'appelle des faits alternatifs. Hein? Ça s'appelle pas des mensonges. Sur cette prémisse-là, si on vivait dans une société avec juste des faits alternatifs, je veux dire, les gros seraient alternativement minces. Les participants célibataires et nus seraient alternativement brillants. Ça serait juste fourrant pour rien. Merci pour la clap, c'est gentil. Je veux dire, j'ai quand même du monde pour me dire dans mon entourage, oui, mais attendons de voir ce qu'il va faire. Pour vrai. Je veux dire, il n'y a pas un médecin sur terre qui diagnostique un patient en faisant « Ah oui, ça c'est clairement une bactérie mangeuse de chair, mais attendons 2-3 jours. » Non, on n'attend pas, on agit. Je veux dire, ce gars-là est foncièrement dangereux. Il n'y a même plus de blague à faire avec ça. Sinon, je vais terminer avec le retour au travail que j'appréhende un petit peu parce que ça fait quand même 5 semaines que je suis arrêtée. Moi, je travaille comme secrétaire. Il y a des périodes mortes des fois, je tombe dans l'une. J'imagine ma vie si j'étais pas une secrétaire. J'essaye de pas me faire pogner parce que c'est jamais le fun de se faire demander pourquoi tu pleures à 10h le matin en te faisant des micro-cotes avec les petites dents sur la roulette de tape. Dans ce temps-là, je sais pas pourquoi, je pense à Madame Bovary. Hein? Madame Bovary, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un roman français. C'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie, qui trompe son mari et qui se suicide. C'est exactement comme lire la vie d'une fille d'occupation double, en ce sens que personne tient ses promesses et tout le monde est déçu. C'est sûr que le livre aurait été meilleur si Madame Bovary avait fait « Hey, you know what? Fuck it. M'a partir on the road avec la vieille jument. M'a vendre mes poèmes pour de la boisson. M'a me faire tatouer Carpe Diem sur une boule. Fuck le mari, fuck le bébé. YOLO, calice! » C'est pas ça qui se passe. Personnellement, moi, c'est le livre le plus plate que j'ai lu de ma vie. C'est pourquoi j'adore l'offrir en cadeau. Avec une petite carte qui dit « Cette histoire m'a beaucoup fait penser à toi ». C'est sur ces bonnes pensées que je vous laisse, tout le monde. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Au revoir. Isabelle Sasbeul, mesdames et messieurs. J'ai ben trop de choses à te dire. Bien que je t'amène dans mon empire. Hey, sauve-toi pas. Donne-moi mon bec avant de partir. T'as toujours su comment me séduire. Tiens, v'là deux fleurs. Assoir, c'est à vendre l'encore. On est pauvres en sacrament. Merci, merci tout le monde, merci Géant. Hey, Maxime. Maxime. Maxime Soriol, oui, notre. Hey. Set de VJ de l'enfer. Ouais. Moi, un jour, je m'en vais derrière la console puis je commande pendant ces sets. C'est trop débile. Merci aussi à Alexandre Larocque. Notre super technicien. Merci aussi à Sexe Illégal qui sont venus ce soir. Fait que... Les fleurs de géant. C'est une œuvre qu'on a trouvée... C'est comme vous voulez. J'en veux au moins 5 piastres. Ok, je veux de l'argent, come on. Canadian Tire, n'importe quoi. Hein? Marc-André a dit 5$. Ben, Marc-André, OK, 5$ une fois, 5$ deux fois vendu. Une bonne main d'applaudissement pour Marc-André. L'encan a le droit de durer 2 minutes et demie. On a un esti de petit clown avec un gros cul. Je veux de l'argent. Il est en céramique. Tu peux te pitcher dans le front de quelqu'un, l'assommer. Ouais, vintage. 2$ à l'avant! Est-ce qu'on a mieux que 2$ une fois? 2,50, j'ai entendu derrière. Non, non, non, non, non, non, non, mademoiselle a dit 2,50. Une fois? Deux fois? Trois fois avec cette mademoiselle vendue? 2,50. Merci, merci. Élise, c'est le bodyguard ce soir. 2,50. Bon. Oh! Des CD. Vraiment. Spécial Country. Spécial Country. Albert Babin avec son camion! Écoute, des titres inoubliables tels que « Avec son camion dans mon village, écris-moi ou téléphone-moi. » Comment peut-on oublier vos beaux cheveux blonds? Maman, tu restes dans mon cœur. Et ça vient avec un spécial country, 2 disques, 40 chansons pour jamais t'ennuyer, qui vient avec le disque de Albert Babin, vraiment son camionneur de toute beauté. L'album de camionneur, c'est un hommage à un autre artiste. C'est un album hommage, qu'on me dit. Albert Babin, je pense que les experts s'entendent pour dire que c'est de shit. De shit. C'est le géant du country. Bon. On veut de l'argent. Bon, la mademoiselle. Elle a plus d'argent. S'il vous plaît, là. 1$ là-bas. C'est pas mal, 1$. 2$. Qui a dit ça, là? Oh, merci en arrière. Non, mais 3$. 6$. 4? Moi, j'ai entendu 6. Qui a dit 6? 666$, mesdames et messieurs! OK, on va dire 6 et 66, là, quand même. Non, 6 et 66 qu'elle a dit. Ah, je vais fournir la scène noire. Là. Allez, bon, 6 et 66 une fois, deux fois, les albums du démon vendus à Julie. C'est fini? Ben, parle-nous du film de la soirée, Tommy. Avec plaisir. Merci beaucoup, Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. On a quand même réussi à faire plus de 10$ avec une figurine de clown et 2 disques country. Puis une autre affaire, j'ai oublié, c'était quoi? Le cadre, c'est-tu que c'était beau, ça? Si tu veux, en tout cas. Donc! Ah ouais, on s'est fait fourrer d'une pièce et demie! Non, mais l'encan, c'est le fun, là, mais on va passer le chapeau pour les donations parce qu'on est crissement pauvre. Merci, Étienne. C'est vrai, il a raison. Là-dessus, j'en parle pas longtemps. On va écouter un film de qualité spéciale. C'est un petit peu comme si quelqu'un faisait un photoroman mauvais, mais en long métrage, version française. C'est le réalisateur qui nous a donné l'excellent Samurai Cop. Samurai Cop, c'est considéré par plusieurs personnes dans le réseau comme étant le pire film de tous les temps. Et ça, c'est son autre essai. Et ça s'appelle Hollywood Cop. Pas de change, ça, j'ai pas de change, moi. Donc, sans plus attendre, on va écouter un long métrage vraiment weird. Puis c'est probablement une des dernières... C'est certainement une des dernières fois qu'il va être diffusé sur un écran plus gros qu'un téléphone ou un ordi. Avec plaisir, on vous offre l'excellent Hollywood Cop. On est 11 ans après Star Wars, si je m'en souviens bien. Qu'est-ce que c'est bon, ce film-là? Merci, on est là lundi prochain. On a un problème à trouver le film, ça sera pas long. Sur ma relation avec l'art, en particulier la peinture.